Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire déchets, ordures et détritus de tout genre, de l'Antiquité à nos jours. Chaque année, une joyeuse cérémonie marque la semaine d'embellissement à Montréal. Des représentants autorisés de la cité remettent des poubelles en or, mettons des poubelles dorées, aux citoyens qui s'étant forcés pour empiler leurs vidanges et nettoyer leurs cours, ont bien mérité de la patrie et du service de la voirie. Dorée ou pas, la poubelle telle qu'on la connaît ne fera son apparition qu'au 19e siècle. Pourtant, dès l'Antiquité, grecs et romains organiseront à leur manière la collecte des ordures. Et si le Moyen Âge est la période sombre de l'histoire des déchets, l'époque actuelle verse très probablement dans le trop. Trop de déchets produits, trop d'aliments perdus à pourrir dans les dépotoirs, trop de matériaux à récupérer, à se retrouver à la rue. Laurent Turcot, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Commençons, Laurent, par l'époque où on commence à se préoccuper des ordures. Bien, en fait, les ordures ont toujours été. La seule différence, c'est avec la sédentarisation, parce qu'avant que les grandes sociétés, justement, s'institutionnalisent dans des villes, les déchets étaient autogérés. Mais la ville, on le sait, et le symbole d'aujourd'hui est encore plus criant, produit énormément de déchets et ça sous-entend une évacuation. Le moment... La concentration aussi, on vit l'un à côté de l'autre, il y a une promiscuité. À la campagne, mettons que c'est moins problématique, à la préhistoire, c'était moins problématique. On peut la cacher plus aisément, ouais. Tandis qu'en ville, justement, avec la concentration de population, avec la réciprocité... On vit avec nos déchets. Ben oui, on vit avec nos déchets et on va très tôt comprendre qu'il faut les gérer. Ouais. Je dis très tôt, c'est l'époque antique. On a souvent, quand je parle d'époque antique, les Grecs, les Romains, on a cette idée de ville parfaite, extrêmement lisse, polie, propre, justement. Oui, mais en partie... parce que ce n'est pas tout le monde qui va profiter de ce système de gestion des déchets. Les grandes villes de l'époque antique, de la Grèce antique, on va voir un système d'évacuation des ordures dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, pour une raison très simple, les Grecs, à travers les gymnases, à travers les bains, parce que ce n'est pas seulement la Rome antique avec les thermes, parce que les Grecs avaient des bains publics, où on a des habitudes de propreté. Le corps doit se montrer dans toute sa mansuétude, sa magnanimité. C'est une valeur à l'époque. La propreté, c'est important. Le culte du corps et donc de la propreté va s'instituer non pas seulement dans le privé, mais dans le public. Oui. L'espace public doit être le reflet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les déchets et on va simplement les évacuer à l'extérieur de la ville, aux lisières de la ville, ce qu'on appelle aujourd'hui la banlieue, pour ne pas la voir. Cette idée de cacher le déchet durant toute l'histoire, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, va toujours être un élément déterminant dans la manière dont on va gérer ces déchets. C'est très proche de la période actuelle, le dépotoir qui est un peu en périphérie. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Les Romains, d'ailleurs, vont instituer ces fosses publiques où on amène en dehors de la ville les ordures, les restes d'animaux sacrifiés, parce que bien sûr, vous allez voir que plus on va avancer dans l'histoire, plus les déchets vont évoluer, notamment aujourd'hui avec nos déchets électroniques. Mais un des éléments qui est fondamental comme déchet à l'époque antique, ce sont les boues. Les boues, on le sait, les rues, toutes les rues ne sont pas pavées, elles sont faites en terre et quand il y a de l'eau qui tombe, la pluie, ça devient une boue extrêmement désagréable pour les chevaux, pour les charrettes, pour les piétons. Donc, on va engager des gens, donc on va nommer les boues qui se chargent de vider les ordures, les immondices, les boues en tout genre dans des tombereaux pour amener ça en dehors de la ville. Mais ça va faire le grand plaisir des paysans parce que eux, c'est une manne. Oui. On se saisit justement de cette matière dont certains en ville pensent qu'elle ne sert à rien, mais en campagne, on sait très bien que ça peut servir pour fertiliser les champs. C'est le début de la récupération, du recyclage, en tout cas. Oui, justement. C'est notre période va véritablement inventer la notion de déchet qui vient du terme déchoir, c'est-à-dire qui ne sert plus à rien, notion qui est inventée en français au 17e siècle. À cette époque, l'époque antique, c'est vraiment l'idée de réinstituer ou de redonner une fonction à une matière qu'on a laissée de côté. Laurent, les excréments. Qu'on en fait? Les excréments, parce que là, on a parlé de déchets industriels en tout genre que produisent les différents métiers, mais aussi les déjections humaines. Caca. Le caca, genre. Disons-le. Comment peut-on gérer le caca? Eh bien, justement, on va avoir ce qu'on appelle dans l'époque romaine des esclaves de peau de chambre, qui vont être les esclaves de très bas rang, dont la fonction est très simple, c'est-à-dire on s'occupe de débarrasser le maître de ses excréments. Donc, on prend le pot de chambre avec le caca, le pipi en tout genre, et on le jette à la rue. Pas mal le bas de l'échelle sociale. Pas mal le bas de l'échelle sociale. Parce qu'on peut dire ça. En effet, mais il va avoir des toilettes publiques. Oui. Et les toilettes publiques, contrairement à celles qu'on a aujourd'hui, on le sait, on est dans une société extrêmement individualisée. Tout est fermé, on a quatre murs autour de soi, on peut lire notre magazine sans problème. À l'époque, c'est ouvert. C'est-à-dire que vous vous asseyez sur la toilette en question. Sous vous, il y a un système d'égout qui permet d'évacuer la chose. Mais vous côtoyez votre collègue à côté avec qui vous pouvez parler tout en forçant et en expulsant la matière. Je peux juste vous dire, Laurent Turcot, que dans certains pays, ça existe encore. Et j'ai vu ça, moi. Ce que vous décrivez, là, c'était pas mal ça dans une toilette publique en Chine, mais pas dans la campagne profonde chinoise au cœur de Shanghai. Oui, tout à fait. Ça existe encore. Le rapport au caca, pourrait-on dire, va évoluer avec la pudeur qui naît à l'époque de la Renaissance, où on considère que le bas corporel doit inspirer le dégoût. Et on le sait, l'Église catholique, l'Église chrétienne, pourrait-on dire, parce que chez les protestants, c'est la même chose. On va faire de toutes les matières fécales, mais aussi de tout ce qui sort comme liquide du corps, quelque chose qu'il faut honnir, qu'il ne faut pas voir, qu'il faut cacher. Et comme, justement, les matières excrémentielles qui viennent des fesses côtoient l'objet sexuel, l'un va salir l'autre. Donc, on cache ça pour ne pas le voir. Et on va les insérer dans les vêtements. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle on va cacher, justement, tous les objets sexuels dans les sculptures, les gravures, en genre. Laurent Turcot, attaquons-nous à ce fameux Moyen Âge. Est-il aussi sale et puant qu'on le dit? Ben oui, il est puant, il est sale, mais vous allez voir que c'est non pas d'après les conceptions des gens de l'époque, mais d'après nos conceptions à nous. On va souvent le dire ici, la manière dont on conçoit notre vie, c'est une construction sociale et une construction historique. Quand on regarde les époques anciennes, on se dit, mon Dieu, qu'ils sont sales, qu'ils sont impropres. Ça, c'est un jugement. Il faut comprendre l'outillage mental des gens de l'époque pour le comprendre. Cela étant, il est vrai de dire que dans les villes de l'époque médiévale, et là, vous pouvez penser à Paris, à Londres, à Marseille, à Rouen, mais toutes les villes espagnoles, toutes les villes allemandes, on se trouve dans des bourbiers. Des bourbiers qui même vont se représenter dans des noms de rues. À Rouen, par exemple, vous avez une ruelle qu'on appelle la ruelle Sale, une autre qu'on appelle la ruelle du Bourbier. À Lourdes, dans le sud de la France, il y a la place Mardacal. Vous devinez l'étymologie de la chose. Donc, il y a véritablement des quartiers qui sont fangeux, où on met des détritus alimentaires, des excréments, des eaux usées, des boues. Mais on ne considère pas que ce sont ces excréments qui provoquent les épidémies. Pourquoi? Parce que c'est une chose qui la provoque, selon eux, la puanteur, la putréfaction, l'air malodorant. Ouais. Et c'est de là qu'on pense que vient la maladie. Et pour s'en prémunir, pourrait-on dire, on considère qu'il faut avoir sur soi une bonne couche de gras. Parce que si on se lave, si on met l'eau sur la peau, ça va faire ouvrir les pores. Et les mauvaises humeurs pénètrent la peau et là, on va devenir malade. Donc, on dit aux gens, vous voulez être sûr de rester en bonne santé et que les immondices, les puanteurs ne vous touchent pas. Soyez ronds. Ne vous lavez pas! Ne vous lavez pas. ne vous lavez pas. N'allez pas dans la rivière surtout. La seule manière dont on se lave à l'époque, c'est qu'on frotte un gilet, pas un gilet, mais une espèce de linge, par friction, justement, les mains et le visage. Et c'est tout. Le corps reste humecté de la bonne graisse animale. Et il y a des reculs dans la cité moyenâgeuse par rapport à ces cités grecques et romaines dont vous nous parliez. On ne fait plus ou à peu près plus de collecte de déchets. Les latrines publiques, il y en a de moins en moins. On les perd. Perd carrément, et c'est l'idée de tout à la rue. On balance tout ce qu'on peut dans la rue, et il y a des éboueurs. Mais les éboueurs, ce ne sont pas des personnes incarnées humaines, mais plutôt des animaux. Et c'est le cochon. Ouais. Le cochon qui va se brinque-baller comme ça dans toutes les grandes villes européennes. D'ailleurs, si vous allez aujourd'hui dans certaines villes de l'Inde, certaines villes du Moyen-Orient, on va encore retrouver des cochons qui ont fonction d'éboueurs. Parce qu'on le sait, le cochon, ça mange de tout. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, dans les grandes religions, on va toujours avoir un interdit sur le cochon. On n'a pas le droit de manger de cochon parce que c'est l'animal qui mange les détritus, donc il est l'incarnation du détritus. Donc, boue répandue, largement répandue, odeur nauséabonde. On est dans, avec nos yeux d'aujourd'hui, dans l'insalubrité. Ça va d'ailleurs poser des problèmes, des questions d'épidémie. Ça nous amène donc à cette question du déchet, de la gestion du déchet comme un problème de gouvernance, comme un problème de santé publique. On va revenir dans un instant au Moyen-Âge, Laurent Turcot, mais petit extrait. On est à Londres en 1970, extrait d'un reportage. Il y a une grève à ce moment-là, une grève des éboueurs, avec le résultat qui suit. L'armée est intervenue à Londres en fin de semaine pour enlever les amoncellements d'ordures qui s'entassent dans les rues et qui constituent un danger public. Une grève des éboueurs dure depuis le 29 septembre dernier. C'est la première fois depuis 1955 que l'armée intervient dans un conflit syndical en Grande-Bretagne. On commence d'ailleurs à signaler l'apparition d'une race supérieure de vermines, supermouches immunisées contre le DDT, asticots mitridatisés, rats géants semant la terreur chez les chats. Personne, il va sans dire, n'est épargné. Les restaurants de luxe, comme les plus humbles, sont entourés d'amoncellements d'immondices. Au palais de Buckingham, cependant, on fait savoir qu'il ne manque pas de salles vides où entreposer les ordures royales. La royauté n'a pas à s'inquiéter. C'est toujours ça de pris. Laurent, évidemment, le parallèle est un peu boiteux, mais il y a quand même des choses qui se rapprochent. Non, il y en a un direct, je vous dirais. C'est la notion de, justement, vous l'avez dit, la gouvernance. Exactement. À qui revient le rôle de prendre en charge les détritus? Est-ce que c'est une fonction individuelle ou est-ce une fonction collective? Et à l'époque du Moyen-Âge, on est dans le processus de la construction des États, la construction d'un pouvoir fort qui domine justement le royaume de France n'existe pas réellement. On le sait que c'est un ensemble de petites entités qu'on essaie de centraliser. Et la notion des déchets est déterminante. Est-ce aux individus personnellement qui produisent ces déchets de les amener à l'extérieur de la ville ou est-ce à l'État, à la municipalité, d'engager des gens sur un budget de la ville, ce qui veut dire prélever des impôts, ça veut dire organiser une collecte de déchets. Et on est dans la naissance de cet État moderne. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on parle de déchets, on va parler de choses futiles. Absolument pas. On est au cœur même de la gestion de la vie collective et comment se place l'individu. Et il y aura un courant aussi qui alimentera cette définition de politique publique autour du déchet des ordures, l'hygiénisme. Et il y aura aussi, puis l'extrait de Londres nous ramenait à ça, c'est super rats qui font fuir les chats, mais la vermine, les contagions au Moyen-Âge, Pasteur qui arrivera, mais les épidémies, ça devient, on associe, il y a un lien direct entre la nécessité de gérer ces ordures, ces déchets et les questions de santé publique. On commence à comprendre justement que l'amoncellement de déchets publics va créer, et c'est le mot est vraiment déterminant, ça crée des miasmes. Les miasmes, ce sont des particules qui se promènent dans l'air et qui viennent justement vous contaminer. Et parce qu'il y a un amoncellement de déchets, parce qu'il y a un amoncellement de carcasses d'animaux, mais aussi parce que les bouchers, et le rôle des bouchers déterminant, on tue les animaux en ville. Et vous le savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand on tue un cochon, on l'attache par le haut, on le zigouille en ouvrant la gorge du pauvre cochon et les litres de sang qui en sortent, oui, certes, on fait du boudin avec le sang, mais il y en a quand même qui se déversent. Le reste des tripes qui ne servent à rien, on balance tout ça à la rue. Donc, ça va commencer à macérer avec des bouts, avec des urines, des excréments. Imaginez un peu, justement, ce qu'on va produire comme vers en tout genre, comme bacilles dangereux. Oui. Et suffit qu'il y ait, justement, la peste pour que les conditions d'hygiène qui sont déjà déplorables s'empirent encore plus. La peste noire au Moyen-Âge, au 14e siècle, va justement prendre de l'expansion parce que les conditions d'hygiène ne sont pas respectées. Mais là, c'est le jugement de l'historien qui regarde les choses a posteriori. Les gens de l'époque n'ont pas encore cette conception. Il faut attendre la transformation, vous l'avez dit, du courant hygiéniste, où on va considérer que l'hygiène est non seulement importante du point de vue individuel, mais va naître l'hygiène publique. Et on va associer la ville à un corps. C'est pas pour rien qu'on parle du centre-ville comme étant le cœur de la ville, comme étant une rue. On parle d'une artère et on va irriguer justement le cœur. Mais pour qu'on irrigue le cœur, il faut ventiler le corps social. Donc, on va détruire des maisons, agrandir des rues, on va sortir les déchets. Il y aura deux inventions assez fabuleuses. On est dans l'urbanisme, en fait. Il y a, bon, les abattoirs, vous l'évoquiez, parce que les bouchers là, qui font tout ça en ville, ça crée des problèmes énormes. On va créer, en bonne et due forme, des abattoirs. On va créer des abattoirs en dehors de la ville. Et le pavage des rues aussi. C'est fondamental. On parlait tout à l'heure de boue, justement. On se dit, bon, ben écoutez, ça devient extrêmement dangereux parce qu'on a nos cochons qui sont encore là, qui se promènent et qui ramassent tout. Et vous avez des carrosses, vous avez des piétons, vous avez tout qui arrive dans la ville. Les rues sont extrêmement petites. Des fois, elles font jusqu'à 10 mètres de large, ce qui n'est pas très grand pour une densité de population. Londres, à la fin du 18e siècle, compte 1 million de personnes. Paris compte 700 000 personnes. À la même époque, pour vous donner une idée, Montréal compte 7 000 personnes. Donc, on est vraiment dans des mégalopoles à ce moment-là. Et le fait de paver les rues, non seulement ça permet d'évacuer facilement les déchets, parce qu'on va faire des caniveaux en plein milieu, à partir duquel on va lancer de l'eau pour sortir le tout. Évacuer aussi, mais la circulation, faciliter la circulation des gens, notamment en créant des rues plus grandes. Je parlais de rues de 10 mètres. Là, on va dire, bien, dorénavant, quand on va construire des nouvelles rues, elles devront faire 20, 30, 40, 100 mètres. Mm-hmm. 100 mètres, ça va être les boulevards au 19e siècle, pour justement que l'air passe. Il n'y a pas juste le lavage par l'eau, mais le lavage par l'air. Prendre un grand bol d'air permet justement d'éviter d'être contaminé par ces déchets. On ne peut pas, Laurent Turcot, faire l'histoire des déchets sans parler de l'histoire des chiffonniers. Écoutez un extrait du film d'Agnès Varda, « Les glaneurs et la glaneuse ». Vous allez voir, vraiment fascinant, l'histoire se répète. J'ai toujours bien aimé le monde des décharges, le monde de la récup, tout ce qui est un peu rebut de la société. Faire la bif, c'est aller au-devant des objets encombrants dont les gens se séparent. Biffer, pour biffer, on peut obtenir auprès des communes, des mairies, des petits plans dans le genre de celui-ci. Je suis, entre autres, peintre et biffin. Je suis plutôt partisan de la nuit. Donc, les communes que je visite en vélo, je récupère que des petites choses. C'est comme des cadeaux qui sont dans la rue, je sais pas, c'est comme si c'est Noël, les encombrants. Et puis ce qui est bien avec les objets de récupération, c'est qu'ils ont une existence déjà, ils ont déjà vécu, et puis on n'a plus voulu d'eux, ils sont encore bien vivants, il suffit juste de leur redonner une deuxième chance. Ah, ça, c'est fabuleux, Laurent, cet artiste visuel qu'on vient d'entendre dans le film de Varda, qui fait de la récup de matériaux, qui l'intègre à ses œuvres, qui se dit biffin. Oui, on va en parler dans quelques instants. Si vous allez au Petit Larousse, biffin, la biffe, mais être un biffin, en fait, c'est le mot familier pour parler... Du chiffonnier. Qu'est-ce que c'est que le chiffonnier? Ce n'est pas le 19e siècle qui va l'inventer, bien que ça devienne une figure parisienne extrêmement importante. Elle naît au 17e siècle, grossièrement, et ce sont des gens qui, une fois que les ordures sont dans la rue, se promènent et ramassent. C'est en fait les premiers recycleurs. Tout ce que les classes supérieures ne veulent pas ou ne veulent plus, eux les récupèrent, les reprisent, les revendent. On va notamment ramasser des chiffons qui servent notamment à faire de la pâte à papier ou, avant qu'on fasse du papier avec du bois, on va ramasser des os. On le sait, on mange beaucoup de poulet à l'époque. Et on va travailler les os pour en faire des peignes, des manches d'éventail. Donc, on va vendre ça, justement, et ça va faire une économie de deuxième main, pourrait-on dire. Et les chiffonniers parisiens, on compte qu'ils sont environ 10 000 à la fin du 19e siècle à Paris et qu'ils font vivre 500 000 personnes. Donc, c'est vous dire l'importance de l'économie qu'ils ont à ce moment-là. Les sacs à ordures ménagères, nouées, jetées, glades, sont tellement faciles à utiliser que vous n'avez presque plus besoin d'être là. Alors, avec ou sans sac, Laurent Turcot, la poubelle, la fameuse poubelle. Ah ben oui, poubelle qui est devenue un nom commun, mais qui, avant d'être un nom commun, était le nom d'un homme. On est au 19e siècle, en 1884, sous la Troisième République, donc après Napoléon III et le Second Empire, le préfet de la Seine, Eugène Poubelle, qui va édicter un arrêt préfectoral relatif à l'enlèvement des ordures ménagères, et là je cite, pour lutter contre l'entassement des déchets dans les rues parisienne. Que va-t-il faire? Il se rend compte justement qu'on est dans une société industrielle extrêmement développée, qu'on produit de plus en plus de déchets et que ça devient un problème de la gestion et de l'encadrement. Donc lui, il va imposer, et c'est le terme qu'on utilise à l'époque, il va imposer la mise en boîte des ordures. Et il va forcer tous les propriétaires et les concierges des immeubles parisiens, représentez-vous les immeubles haussmanniens qui existent aujourd'hui, donc vous avez des concierges qui doivent prendre des lourdes boîtes en zinc et qui doivent les sortir 15 minutes avant l'enlèvement des déchets. Parce que sinon, c'est une contravention. Ils vont être fous amoureux de M. Poubelle, ces gens-là. Absolument pas. Ils vont le détester. Et en plus, ce qui est extrêmement choquant pour les Parisiens à l'époque, c'est qu'on vient de parler des chiffonniers. on interdit aux chiffonniers de faire les poubelles. C'est devenu un acte criminel qui peut être passible d'une contravention. Et là, bizarrement, le chiffonnier qui était au banc de la société va faire l'objet de d'un ensemble de défenses de la part de la population, pour dire la population parisienne, qui vont dire c'est un élément important dans le cycle de la vie des objets. Donc, le préfet poubelle va devoir adapter sa réglementation pour permettre aux chiffonniers de fouiller les poubelles pour réutiliser, comme on l'a dit tout à l'heure. Poubelle, l'histoire d'une révolution, bientôt sur cet écran. on arrive au 20e siècle, Laurent Turcot, avec cette surproduction d'ordures. On est aux antipodes du Moyen-Âge, où on se souciait peu des ordures. Là, on en produit, surproduit, avec toutes sortes de problèmes nouveaux, comme le gaspillage alimentaire. À première vue, certaines personnes pourraient croire que des sans-abri fouillent les poubelles. Pourtant, Quincy n'a rien d'un sans-abri. Il fouille les poubelles par principe. Ham sausage. Lui et ses amis luttent contre le gaspillage en démontrant qu'ils peuvent se nourrir presque exclusivement d'aliments provenant des poubelles, de la nourriture quelquefois jetée avant la date de péremption. December the 3rd, so that's tomorrow. Après avoir vu ce qui a été jeté dans ces poubelles, Moisson Winnipeg admet implicitement que certains produits étaient peut-être encore comestibles. Maybe picky and some less picky. L'éducation devient donc une solution. Connaître les meilleures méthodes de conservation, mais aussi les produits qui peuvent être consommés même après la date de péremption, tout ça évite d'engraisser les poubelles. Claude-Zone Richard, Radio-Canada, Winnipeg. Alors, Laurent, c'est l'époque actuelle, la surproduction de déchets. Notre société de consommation qui produit de plus en plus, et comme notre société de consommation considère qu'il faut toujours avoir une économie exponentielle qui va vers la croissance, on va même développer ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, c'est-à-dire pour nos objets de tout genre, ce sont des imprimantes, ce soit des objets culinaires en tout genre qui sont électroniques, on va développer chez les ingénieurs, un moment où est-ce que l'objet ne fonctionnera plus. Et c'est inscrit justement dans la puce informatique. L'imprimante que vous avez achetée il y a un an, ben, après 5000 pages, ça n'imprime plus, il faut la changer. Et tout ça crée de plus en plus de déchets. Pour vous donner des chiffres, on jette 10 fois plus de déchets qu'il y a 100 ans et on jette 2 fois plus de déchets qu'il y a 40 ans. Et là, ça devient problématique. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces déchets informatiques, par exemple? Eh bien, on va prendre des grands bateaux et on va les envoyer dans les pays du tiers-monde, excusez-moi, les pays en voie de développement, comme l'Afrique, l'Inde, qui, eux, se spécialisent dans la récupération de déchets. On le sait, on prend les boîtes informatiques, on les fait brûler et les vapeurs qui s'en exhalent sont extrêmement nauséabondes et poison pour la plupart, ce qui fait que les gens qui travaillent là-dedans meurent en très bas âge, mais on déverse notre trop-plein de sociétés de consommation vers justement ces pays en voie de développement. Mais on continue à dire qu'on est dans une société où tout va bien, que le recyclage se passe bien. En fait, la seule raison pour laquelle on a institué le recyclage dans les pays occidentaux, c'est parce que c'est rentable économiquement. On pense que c'est pour des volontés d'ouverture et de grandeur d'âme. Absolument pas. On fait du recyclage parce que ça rapporte de l'argent. Et c'est le problème de nos sociétés actuelles. Laurent Turcot, merci Laurent. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.